peut se servir de son âme pour interpréter parfaitement les dialogues qui évoluent entre les portes de lumière. À ce moment-là, l'homme n'a plus besoin de rien qui est dans le temps. Quand l'homme n'a plus besoin de rien de ce qui est dans le temps, il est totalement libre en esprit. De sorte que même les œuvres du tibétain ne lui servent plus parce que les œuvres du tibétain sont empreintes sous des élévateurs. Et les élévateurs sont des entités dans le cosmos avancées qui servent à donner des vibrations supérieures à l'humanité pour permettre aux hommes de substantialiser des anciennes pensées plurielles. Alors, les élévateurs, les fonctions d'élévateurs dans le cosmos sont des fonctions importantes, mais sur le plan de l'homme individualisé, morontialisé, les élévateurs n'ont plus d'effet parce que l'homme ne peut plus penser. C'est quand tu penses que tu as besoin des hommes, tu as besoin des autres entités. Quand tu penses que tu n'as plus besoin de personne. Parce que quand tu penses plus, tu fais partie de l'universel. Fait que si tu fais partie de l'universel, c'est plus important parce que l'universel est indivisible. Que tout va être important. Mais quand tu as besoin de quelqu'un, c'est important. Il y a des gens, il y a des entités qui peuvent. Je donne un autre exemple. On dit que l'homme, ça c'est les propos de Bailey, on parle du service, que l'homme est au service, l'homme doit être en service. C'est une illusion spirituelle, la confrontation de l'esprit positif contre l'esprit négatif, la part du service. Le service, c'est une déduction. C'est une déduction des conditions énergétiques qui existent entre les mondes qui sont hautement spiritualisés et les mondes qui sont négatifs. Puis c'est polarisé. C'est totalement polarisé. Moi, je suis dans le service de personne, je suis dans le service d'aucune humanité. Et ça, c'est difficile à comprendre. Ce que je fais parce que ça fait partie de ma conscience, ça fait partie de mon pouvoir créatif, ça fait partie de mes affaires. Et mes affaires sont les affaires du département d'où je viens. Fait qu'à ce moment-là, t'es tout au service de personne. Moi, je suis au service de personne. C'est ça, je dis souvent, je sympathise avec toi, mais j'ai aucune sympathie pour toi. Mais c'est difficile de comprendre ça pour moi. Parce que tant qu'on pense, on se donne des raisons de vie. Les raisons de vie donc, qu'on se donne font partie justement des raisons de vie qui nous sont démontrées par ces êtres-là qui sont sur d'autres. Ça, c'est notre problème disponible. C'est comme le Tibétain. Je connais très bien le Tibétain. Je pourrais vous en parler. Je peux même vous dire ce qu'il fait. Ce que le Tibétain fait, ça n'a aucunement à faire avec les choses morontielles de l'humanité. Ça a à faire avec les choses spirituelles de l'humanité. Puis toute morontialité est automatiquement à l'extérieur de toute spiritualité. Être morontiel, c'est être créateur. Puis être créateur, c'est être ingénieur. Puis être ingénieur, c'est être dans la science de la vie. Puis être dans la science de la vie, c'est comprendre toutes les forces de la vie. Puis comprendre toutes les forces de la vie, c'est la partie d'évolution. Et lorsque les hommes seront dans la conscience de la vie, et qu'ils comprendront les forces de l'évolution, ils seront dans la science de la vie. Puis quand les sciences, les hommes sont dans la science de la vie, à ce moment-là, les hommes seront de plus en plus les aspects parfaits de ce que vous appelez vous autres Dieu. Donc en attendant, on a bien des choses à apprendre. Mais ce qu'on doit apprendre, dans le terme où on dit présentement, c'est que toute condition imposée à l'homme ou à l'humanité par des entités qui sont en évolution sur d'autres plans, sont des conditions de soumission, sont des conditions de domination spirituelle, et une condition de domination spirituelle, c'est une condition de service. Alors, l'homme, il dit aujourd'hui qu'il doit servir pour élever ses vibrations spirituelles, mais dans un temps qu'a pensé, l'homme ne servira plus, parce que l'homme ne peut plus à servir. Cher tant à servir, mais quand tu n'as plus à servir, tu ne sers plus. Mais quand tu ne sers plus, tu ne sers plus quand tu es tout à l'heure dehors de la forme, parce que quand tu es en dehors de la forme, tu n'as plus rien à faire. En somme, on n'est pas au service de personne. Donc, moi, je situe le prêtre actuellement qui se passe au service de l'humanité pour le bien de l'humanité. Ça va mettre une position. Ça va mettre une position sur l'ego. D'ailleurs, le service, ça va mettre une position sur l'ego. Quand tu n'as rien à faire, tu sais plus personne. Moi, j'ai rien à faire. Moi, je savais que j'ai rien à faire. Ça ne veut pas dire que je fais rien. La nuance est peut-être, moi moi, je trouve que le gosse, là, en rendre service, puis faire ta job. Ça, ça revient à la différence entre l'esprit et l'ego. Quand t'es dans l'esprit, t'as rien à faire. Quand t'es dans l'ego, t'as pas de choses à faire. T'as pas de choses à faire. C'est ça, t'as pas de choses à faire. Tu penses que t'as pas de choses à faire, t'as pas de choses à faire. Tu sais que t'as rien à faire, t'as rien à faire. Avoir quelque chose à faire, c'est une bonne esclavage. Ça fait une révolution de l'ego, même si l'ego est très, très, très, très, très spirituel. Si tu veux quelque chose à faire, c'est son affaire à lui, pas rien. Rien. Si tu n'as rien à faire, t'es bien, c'est tout cas, parce que quand tu n'as rien à faire, t'as seulement une chose à faire. Qu'est-ce que c'est? C'est d'être en harmonie, t'as fait un peu de quand tu n'as rien à faire, c'est bien. Parce que tu n'as qu'une chose à faire, c'est être en harmonie vibratoire avec les autres. Et quand tu es en harmonie vibratoire avec les autres, c'est en haut, en bas, et tout se fait. Tout se fait. Ce qui est en haut est en bas, puis ce qui est en bas est en haut, puis tu peux t'ajuster aussi. T'ajustes à côté. C'est ça. Tout se fait, mais le point est dans tout se fait. Tout se fait. Plus ça va être tout ça. Ça c'est la même chose. C'est pas une moelle, ça. Je devrais faire. Je comprends pas pourquoi ils ont besoin de se faire dire que tout le monde. C'est justement là l'affaire, c'est qu'ils n'ont pas à se faire aider quelque chose par l'autre, c'est qu'ils le savent. Ça n'intéresse pas l'autre. Pourquoi ça n'intéresse pas l'autre? C'est pas que l'autre. Non, juste savoir qu'il devient vital quand il est conscientisé au niveau du mental de l'autre. Bon, ça, il reste de mettre la juste à pencher à l'autre. Quand tu es conscient, tu te demandes quoi faire de ta pensée. Il devrait juste parler par le spirituel. Ah, se parler par le spirituel. Ça, c'est une autre étape de l'évolution du mental. Mais tu sais, à ce temps-là, ils peuvent se parler. Que tu parles avec des mots, super comme tu montres, c'est la même parole que tu parles d'altitude. Ils disent, viens, tu as du fond. Il y a des échanges qui élèvent. Moi, je suis avec ma femme, je parle avec ma femme depuis 10 ans, moi, je suis aidé à se parler. On n'est pas pour se promener dans la maison pour commencer à se parler par télépathie. On ne sera pas sur le plan matériel, il faudrait qu'on se parle par télépathie. Ça ne serait pas des enfants. Ça serait des conditions différentes. Ça serait une brasse en dessin. Ça fait évidemment qu'il ne se parle pas des enfants capables de leur préparer. Voyons. C'est comme ça que réussi à l'émission de télépathie. S'il n'y a pas de réponse, il faut que vous recommenciez. Parce que si vous demandez quelque chose, il n'y a pas de réponse, ça veut dire que votre mental est dans le vide. Votre mental ne peut jamais être complètement et totalement dans le vide, tout le temps dans le vide, avant un certain temps. Fait qu'il revient dans le plein. Ou ceux qui viennent dans le plein, là, vous pouvez demander la question. Never one. Fait que si vous demandez quelque chose, il n'y a pas de réponse, alors demandez dans le compte. Ils vont être obligés de vous répondre. Ils sont obligés de vous répondre si vous demandez la question. Ils disent que les gens ne communiquent pas assez avec eux autres. Faut que les gens apprennent à communiquer plus avec eux autres. Communiquer, puis communiquer, puis communiquer. Si les gens ne communiquent pas sans toi, ils ne sont pas sans toi d'habitude. Quelqu'un qui change, lui, à un moment donné, ça descend. On a beau te rendre, on n'a pas de réponse. Puis à un moment donné, ils enlèvent l'idée de poser la question, la tenacité. Ils enlèvent la tenacité. Ça allait faire avec quoi? Ben, comme cela, moi, ça reste tout le temps une grosse table pour dire. Chaque contact qui se fait que je fais un peu comme canal, mais pas ça. Et apparemment, c'est bien subtil cette affaire de demander. Comme je me suis aperçu que quand les gens sont avec moi, là, ça s'ouvre. Puis quand les gens sont seuls, là, ça se ferme. Pourquoi tu viens et viens d'abord? Patience. Ah! Parce qu'on ne s'arrête pas dedans. Ouais. Parce qu'il y a trop de curiosité dans la question. Ça, c'est tellement subtil la fête de curiosité que si ça fait partie de votre expérience, je sais qu'éventuellement le canal va toujours être ouvert. C'est bien difficile pour moi de vous expliquer ça parce que c'est un état d'esprit. Comment peux-tu dire, moi je fais une nuance, je sais pas si c'est vrai, là. Tu peux te dire que notre curiosité qui peut venir de l'ego et tout ça, ouais. Que leur curiosité qu'eux autres t'envoient, peux-tu le dire? Ouais. Bon, mais c'est celle-là. Ouais. Bon, ça c'est très intelligent. Ça. Il y a la curiosité de l'ego, là, de votre rien savoir. Là, ils peuvent vous couper. Puis il y a leur curiosité que l'autre vous envoie pour vous éclairer. Parce que t'es dû pour penser à une étape. C'est ça. Fait qu'il y a deux sortes de curiosité. Une qui vient de l'ego, puis une qui est créée par eux autres pour l'évolution de l'ego. Quand vous êtes avec moi, ce qui arrive, c'est que votre curiosité, en général, va vous servir. Bon, à vous servir. Parce que si elle ne vous sert pas, moi, je ne répondrai pas. Tu veux dire, des fois, les gens me demandent des questions. Ouais. Des fois, les gens me demandent quelque chose, de plus autre, je me coupe, là. Puis quand tu me coupes, c'est comme si je suis pas intéressé à répondre. Ça se manifeste comme ça dans mon esprit. Mais quand tu te coupes à ce moment-là, c'est que la personne ne fait pas besoin de savoir. Ouais, mais elle ne sait pas. C'est ça. C'est comme si monsieur avec, tu sais, un moment de question. Des fois, j'aime ça y répondre. Puis des fois, je ne peux pas y répondre. Quand je ne peux pas y répondre, là, c'est le même phénomène. C'est que la curiosité qui vient de l'ego. Mais ils sont obligés de temps en temps y répondre pour l'amener encore à se sensibiliser à la vibration. Mais c'est aussi efficace qu'il répond ou qu'il répond. C'est aussi efficace qu'il répond ou qu'il répond. Oh, tu fais bien ça. C'est aussi efficace qu'il répond ou qu'il répond pas. Autant. Autant. Hier. Parce que toi, en premier, tu vas au pire, tu sais. Puis c'est là que tu commences à discerner. Tu sais, que tu fais ta petite que tu fais. Puis l'autre, la vraie. Même tu peux poser des questions, puis il va te répondre deux jours après. Ouais. Puis tu ne peux pas demander deux jours après. Hein? Tu as posé une question, tu ne réponds pas. Tu laisses tomber, tu ne repasses pas, ou pas. Il va te répondre. Ouais. C'est la question que tu as demandé deux, trois jours. Ouais. Mais il te répond deux jours après, ton égo n'est pas inutile. Hein? Ils sont anti-égo. Ils sont anti-égo. Tu sais, dit quelque chose, tu vas mettre en mode, tu te dis, moi, c'est ça. Tu vas aller coucher une cassette. Ah, mais là, c'est parce qu'on est goût fatigué. C'est ça. Tu vas même pas me le demander. Ah. Tu vas encore faire un truc pour leur demander. Je vais savoir un petit peu. Ouais, mais si c'est pas parce que tu l'écoutes, tu réponds pas, par exemple. Il t'amène à. Il va. Tu sais, la curiosité des goûts, ils ont des variés, ça va. Non, ils te répondent pas. Fait qu'ils te répondront pas. Non. Ça vient pas des autres. C'est seulement pris, il y a une interférence quelque part, là. Non, les autres, ils vont te donner une réponse, ils vont dire que c'est pas important. C'est subtil, notre relation qu'ils ont. La relation d'esprit à esprit, c'est bien sûr. Mais, c'est au fur et à mesure qu'on avance ensemble, là, que. Je vais mettre des points. C'est bien, c'est bien. Parce qu'il y a des interférations. Comme des fois, moi, ils ne me permettront pas de dire quelque chose parce qu'ils disent, si ça va être capté, ces autres-là, puis ils ne veulent pas que ça soit capté, ces autres-là. Fait que là, je ne peux pas le dire. Il y a une chose que tu dois parler tout à l'heure. Ce qu'on appelle l'esprit du pain. Quoi? L'esprit du pain. Il dit que l'esprit du pain, c'est une vibration qui vient de l'énergie de la lumière, mais qui forme dans l'esprit de l'homme une tension. Cette tension-là, ça devient une force. Puis cette force-là peut devenir un pouvoir, puis cette force-là vient de la volonté. L'esprit du pain, c'est la volonté. Puis il dit que plus qu'on se conscientise, plus on apprend à vivre de cette énergie-là, de cette vibration-là, de cette tension-là. Puis il dit que quand il faut qu'elle soit exécuter cette tension-là, cette vibration-là, il ne faut pas que l'ego ait peur de l'exécuter. OK? Pourquoi on a peur de l'exécuter? Parce que si on a peur de l'exécuter, à ce moment-là, on se soustrait de la pénétration de cette énergie-là. Et en se soustrayant de la pénétration de cette énergie-là, on diminue notre pouvoir de volonté. Puis notre pouvoir de volonté, c'est la mesure de notre esprit à exécuter sur le plan matériel des activités ou des choses qui nous amènent à être de plus en plus indépendants de la matière. Puis il dit que c'est dans les petites choses de la vie qu'on apprend ça, à exécuter cette énergie-là. Exemple. Un pire humain, puis un enfant, l'enfant est éternel, il est fatiguant, papa. Quand il vient avec la vibration, il vient une vibration. Puis quand on la sent, cette vibration-là, c'est comme si on est ses nerfs, quelque chose. Là. L'enfant, il était un petit peu trop croche. Il était un petit peu trop talent. On sent en lui trop d'ego. On va avoir tendance souvent à diminuer la vibration pour diminuer le choc vibratoire entre nous autres et l'enfant. On empêche l'enfant de grandir en conscience parce qu'on permet à son ego de se développer et de se développer. Il dit que l'éducation, c'est une forme mineure d'initiation. Il dit plus on devient conscient, plus on doit initier un enfant à la vie. Si on l'initie à la vie à un certain moment dans son éducation, on est obligé d'appliquer, d'exercer cette vibration-là sur le plan matériel pour créer un choc vibratoire, pour changer la vibration de l'ego. Sans ça, l'enfant grandit croche. Mais Là, j'approche ce sujet-là de façon bien délicate parce que je veux pas que les gens comprennent mal ce que je veux. Des fois, on a des relations avec des êtres grands ou petits. Et à un certain moment dans notre relation, il y a trop d'ego. C'est plus là que l'enfant est fatigué ou. C'est plus ça. Là, c'est du mauvais caractère. C'est réellement proche. Là, la vibration est forte en fait. Faut qu'on la laisse passer. Faut pas qu'on intervienne avec nos sentiments là-dedans. Si on intervient avec nos sentiments, le niveau est continu. Quand tu te rends à 15-16 ans, c'est tout. Faut qu'on soit assez conscient, assez centré pour la laisser passer cette vibration-là. Là. Après un choc, ça change les vibrations. Tu veux dire de ne pas le reprendre, quoi? D'enfant ou de. Il y a deux façons d'éduquer un enfant. Une façon, c'est de parler, de faire comprendre. C'est la meilleure, qui est la plus facile, qui est la plus plaisante pour tous. Puis il y a une autre façon qui est exécutoire, qui est essentielle. Là-dedans. C'est le choc vibratoire. Le choc vibratoire, il vient d'eux autres. Puis il passe par l'ego. Puis l'ego peut ou ne peut pas l'exécuter. Suivant qu'il y a de l'émotion, du sentiment. La crainte. Et ça, quel que soit l'âge d'homme. Oui. Quel que soit l'homme, que ce soit un homme de 80 ans ou un homme de 2 ans. Parce qu'il dit qu'un enfant, c'est un petit adulte. Il y a une capacité de comprendre, finalement. Il y a une capacité de saisir. Il comprendra plus tard. Mais il faut qu'il saisisse. Et si j'aime, il faut le saisir. Puis c'est nous autres qui le saisissent. Il faut que notre esprit saisisse son esprit. Si notre esprit saisit pas son esprit, il gardera vraiment l'esprit, il va tout être dans l'ego. C'est très difficile d'élever un enfant, c'est très facile. Ça dépend si tu as une vibration ou si tu ne l'as pas. Si tu as une vibration, c'est facile, tu avances. Arrête-toi pas, c'est comme si eux autres matchent toujours. Tu vois toujours à travers tes yeux, tu vois. Puis t'as sens la vibration dans tes corps, t'as sens. Des fois, vous autres, vous allez aller dans un restaurant, vous avez un enfant qui est réellement détestable. Quand vous faites l'enfant en tête, détestable. Puis là, vous voyez, là, tu vois la main, là, il y a une peine, il y a ça, puis il dit pas un mot. Il y a rien, là. L'enfant crie, puis il fait le bordel. Puis ça continue, ben, puis grand-mère est là, puis grand-père est là, puis l'enfant continue le bordel. Vibration passe, il faut qu'elle passe. Mais on ne peut pas le faire parce qu'on a des sentiments. Il faut qu'elle passe. Puis ça, c'est bon pour nos enfants parce que ça les amène à se conscientiser au niveau de l'esprit. Puis il dit que c'est là que le problème de l'éducation aujourd'hui. C'est très dur aujourd'hui de, pour nous autres de la vivre, cette énergie-là, parce qu'elle est forte. Puis quand elle passe, il faut que l'ego soit assis dans l'esprit, soit transmuté en esprit, qu'elle passe. Puis après ça, tu rebalances la vibration. Parce que t'es pas fâché contre l'enfant. Tu exécutes l'énergie. C'est pas pareil comme être fâché. Être fâché contre un enfant, c'est pas bon. Être fâché, ça c'est l'ego. C'est de l'ego. C'est ton ego quand t'es fâché. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais quand la personne, si la personne ne fait pas au moment où ça passe, puis que par l'ego, dans les sentiments, tout ça, là, amortit le choc, à ce moment-là, ça crée comme une faille. Puis cette faille-là, en fait, elle laisse influencer l'ego. Du sens que l'enfant a toujours un dessus. Ouais, c'est ça qui arrive. Éventuellement, l'enfant prend du dessus. Éventuellement, tu vois. Il est moindrement fort, tu vois. Même ça, j'aurais jusqu'à dire que ça influence sur, même sur d'autres choses, sur, ouais. Sur les alentours, même si c'est pas directement la personne qui se réfère, que ce soit une enfant ou pas. Puis j'ai vu les autres personnes où le choc avait pas à faire penser. Oui. Avec les graines, c'est autre chose. Il est très clair. Pour les enfants, pour les adultes. D'avoir l'éducation, c'est une forme mineure d'initiative. Quand t'es conscient. Parce qu'il vient un point quand tu es conscientisé, la vibration en passe, tu as ça la vibration. Puis il vient un point où ton ego n'est plus là pour la bloquer. Puis là, part. Là, ton enfant reçoit le choc. Tu balances ta vibration, puis grandit, puis grandit, puis grandit. Puis tu arrives à un certain point, tu n'as plus besoin d'éduquer la fin, c'est tout ça. Il est droit, droit. Hein? T'as il y a guidé. Fonctionne tout ça. Mais si tu ne sens pas ça, bien là, tu vas être obligé de l'éduquer jusqu'à 20, 21. Ça n'arrive plus. Mais malheureusement, c'est avec un enfant, il y a pas de la même. Nous, on peut nécessairement les vibrations, on a nécessairement les vibrations, l'autre. D'accord. D'accord. Oui. C'est pour ça que je dis, là, c'est un principe, la contrainte de la vibration. Mais il faut que le père et la mère soient sur la même longueur d'onde. Si le père et la mère ne sont pas sur la même longueur d'onde, la mère est mieux agir seule. Ou s'arranger pour que ça crée tout. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Mais on ensemble, j'ai déjà vécu. Une énergie comme ça, mais sans raison. Petit bonhomme était à côté de moi, on jasait. Moi, je suis prête à la maison, on jasait petit bonhomme. C'est venu tout seul. Je suis resté. Moi, je suis resté aussi bas que lui parce que c'est un coup qui est venu comme ça. Non, ça, je l'ai dit les deux. Moi, je me suis mis à rire, là. Lui, il n'avait pas de choix. Puis, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est de l'énergie qui a passé dans ma main. Je ne sais pas. J'ai pas frappé un tour de bain, j'avais tout choqué, mais j'ai trouvé ça bizarre. Bon. Mais si t'avais eu la psychologie pour l'expliquer, t'aurais pu comprendre pourquoi est-ce que tu faisais le geste. Il n'y avait rien de répréhensible. Oh, ouais, la seule chose que, bien évidemment, ça s'est équilibré par la tête parce qu'on aurait tous les deux. Je pourrais apprendre à pas se rendre aussi vite. Parce que si. On ne sait pas comment, on ne sait pas qu'est-ce que c'est éduquer un enfant. Éduquer un enfant pour nous autres, c'est ce qu'on pense. C'est pas d'éducation. Ce qu'on fait avec nos enfants, c'est pas d'éducation. La preuve, c'est que nos enfants, de maintenant, ne sont pas conscients. Ils ne peuvent pas l'éduquer. Quand tu éduques un enfant, tu élèves la vibration de son esprit pour qu'il arrive à un certain âge qu'il comprenne comme toi. Ça, éduquer un enfant. La mise dans la vibration, ça, c'est éduquer un enfant. Puis on dit qu'on ne sait pas éduquer un enfant parce que toute notre éducation qu'on fait avec les enfants est en relation avec nos sentiments qu'on a. Puis on n'est pas conscient de la vibration de la volonté, en disant. Parce que nos corps sont pas assez développés. Puis quand nos corps sont développés à ce moment-là, il faut qu'on sache qu'est-ce que ça fait, cette vibration-là. Pourquoi ça sert, cette vibration-là. Puis notre ego est tellement fragile que quand on la fait passer, cette vibration-là, Notre égo, il y a une petite réflexion dans notre égo, on se demande si ça n'est pas allé trop loin. Ça n'aurait pas été un petit peu plus raisonnable. On se demande si c'est des questions. Peux-tu faire un parallèle entre eux autres, point chez eux autres, nous autres, en fait. Exactement. Ce qu'ils font avec nous autres, nous autres, on fait avec nos enfants. Et là, je continue. Ils peuvent pas le faire avec nos enfants. On dirait qu'elle pose de 4 pieds d'un coup. Parce que un enfant qui colle porte, puis un enfant qui trouve dans son enfant pierre. Une niaiserie de bébé. Bon, une niaiserie de bébé. Ce qu'on appelle une niaiserie de bébé. Ça l'empêche de rentrer dans son esprit. Puis un enfant de 7 ans peut avoir une maturité d'un enfant de 12 ans, s'il est dans son esprit. Puis un enfant de 12 ans peut avoir une maturité d'un enfant de 18 ans, s'il est dans son esprit. Mais ils ne sont pas dans son état de l'esprit, ils sont toujours dans l'ego. Des fois, ils vont dire, par exemple, laisse-les vivre son enfance. Puis moi, des fois, je comprends pas ce qu'ils veulent dire parce qu'il y a des niaiseries, là, je fais une niaiserie de bébé, là, je vais essayer de couper, mais par contre, ils vont me ramener à des situations comme ça. Et je laisse vivre son enfance. Ils peuvent pas t'instruire directement. Ils sont obligés de passer par vous pour t'instruire. Laisse-moi expliquer ce que je veux dire. Je ne veux pas dire que vous ne pouvez pas avoir accès à de l'information. Mais ce que je veux dire, c'est que vous ne pouvez pas avoir accès à de l'instruction. Parce que pour avoir accès à de l'instruction, il faut ne pas avoir d'ego. Si ça passe par moi, à ce moment-là,